Il est 20h sur le 895 de Radio Duo. Vous êtes sur la bonne antenne, n'est-ce pas? Tous les vendredis de 20h jusqu'à 21h30, vous retrouvez une émission qui s'appelle depuis juin 91 Pop Dreams. Et cette émission est animée par trois personnes bien distinctes, bien différentes. des entités propres qui s'expriment tous les vendredis d'une manière cohérente ou incohérente, ça dépend, les vendredis. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir Jacques. Bonsoir Gérard. Des entités propres, on a fait nos ablutions l'un et l'autre ce matin, bien évidemment. D'accord, on sort de la douche. Bonsoir Jacques. Ah bah oui, Jacques, forcément. Le Marcel et les pantoufles. Ah, ça y est, tu vois, j'ai senti arriver. Bon, écoute, il s'ennuie nos auditeurs. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, soyez les bienvenus. On est un peu dissipés, on s'excuse. Non. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis très sérieux. Je suis d'humeur... Égal. D'humeur égale, non. Non, moi je suis pas d'humeur égale, je suis très soupolé. Des fois Jacques il m'emmerde, alors du coup je lui le dis. C'est plutôt dans l'autre sens, Jean-Yves, soyons honnêtes. Il a dit aucun mot désagréable, je vais pas prendre sa défense, mais quand même, soyons merci, objectifs. Merci. Alors, petit oiseau égaré, tombé de son nid, comment vas-tu Jacques? Ah, c'est moi le petit oiseau égaré. Oui. Qui ça va? Mise vous dit. T'es couillon. Oui, t'es couillon. Oui. Mais je vais te le dire honnêtement. Hein. Ouais. Et franchement. Hein. La phrase clé de Jean-Yves. Pas de Jean-Yves, de Jacques, c'est je vais te le dire honnêtement. Mon leitmotiv. Bon, alors, bonne semaine. Je vois que vous êtes d'humeur joyeuse. Ça va? Bah oui, il a fait une très belle semaine. Donc, ouais. On n'a aucun grief à faire quant à la. Ah bah autant. Quant à la météo. Ça oui, bourgeonne autant. Chez toi, ça doit bourgeonner, toi, chez toi. Énormément, ouais. J'ai mon immense parc, ça bourgeonne. D'accord. Et Jacques, tu dors mieux? Non, c'est pas brillant. Hein, toujours pas? Oh, je galère. Ouais. Pas tout. Bon, on va créer d'ailleurs un compte Ulule pour Jacques. Si vous avez des dons concernant un meilleur sommeil, vous pouvez envoyer tous vos dons. Différentes douleurs. À Pop Dreams. C'est différents mots. Bon, allez, je redeviens sérieux. Ouais, bon, alors, après, c'est parti. Avez-vous des nouveautés? Oui. Une nouveauté seulement, et de la rediff. Oui, ouais, j'en ai une jolie. Hein. Nouveauté. c'est toi qui dis ça, hein. J'en ai une jolie. Oui, j'étais sûr qu'il allait avoir le gant aussi. Il ne faut jamais dire des... Enfin, utiliser bon. Termes équivoques. Comme on connaît les ça, les gars. Comme on connaît les ça, on les adore. On n'a pas passé une seule seconde de musique, c'est déjà 20h05. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 20h04, on n'a rien foutu. Bon, allez, je démarre tout de suite. On va aller à Détroit, un groupe qui s'est récemment formé en 2024. Ce groupe s'appelle... Ouais. Voilà, il continue. Le groupe s'appelle Modelang. J'en reparle tout de suite après. On écoute un premier morceau. C'est parti. Pop Dreams démarre pendant 90 minutes. Des guitares carillonnantes, des mélodies chatoyantes. Et c'est la 1479e émission. Nous sommes le vendredi 6 mars. On y va. Indeed. Voilà, on démarre Pop Dreams avec une très très belle nouveauté, parce que j'ai pas dit que j'avais de nouveauté, moi si j'en ai une. C'est un album qui est sorti le 20 février 2026, donc c'est très récent. Et c'est un groupe qui s'appelle Modlang, qui vient de Détroit. C'est un quatuor. Bah Jacques, je crois que tu connaissais. Et Jean-Yves, tu as découvert. Ouais, c'est excellent ici. C'est très joli. De la power pop des années 70. Superbe. Ouais, très agréable. Ça fait penser à Badfinger, ça fait penser aux Raspberries, ça fait penser un peu à Lemon Twigs aussi. Oui, Lemon Twigs. Et Big Star, bien sûr. Alors, Big Star, puisque Modlang vient, effectivement, le titre, le nom du groupe vient d'un titre du second album de Big Star. Big Star qui est devenu un groupe absolument. Un peu comme le Velvet, l'instar du Velvet, ouais. Un groupe qui n'a pas vendu mais qui est devenu très très iconique et fondateur. Donc c'est surtout Antonio Checa qui est le chanteur-guitariste qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais pris quelques petites notes. Non, rien de plus parce qu'en fait on ne sait pas grand-chose. Ah oui, on sait quand même que c'est mixé par un certain Sean Lennon, donc le fils de John. Ouais. C'est assez marrant ça. Et donc Détroit, normalement, c'était une ville assez dure. Industrielle, oui. MC5, Les Stooges. Et là, ils nous font une pop qui est lumineuse, franchement. J'ai trouvé ça excellent. Donc ça, c'était le titre qui ouvre l'album, qui s'appelle « What Can I Have ?» avec des harmonies vocales, des guitares, etc. Mais l'album, il est vraiment de belle facture. Il y a 10 titres qui sont vraiment excellents. J'en ai calé un autre. Que je vais faire tout de suite d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait en avance forcément. C'est la 9e plage qui s'appelle Borrowed Time. Si vous avez quelque chose à rajouter ou pas. Moi, j'aime bien la pochette parce que la photo, ça me fait, tu dirais une pochette des années 70, ça fait très très rétro. Je trouve. Ah oui, alors on les voit, donc c'est donc trois mecs avec une nana qui s'appelle Ava East, qui joue de la basse et qui chante aussi. L'album s'appelle Borrowed Time et c'est le titre éponyme qu'on va écouter tout de suite. Vous allez voir, c'est un peu différent, un peu plus péchu. Ça reste toujours avec des belles guitares et des belles mélodies. C'est donc Modlang. When my baby's beside me, I'll know what to do. When my baby's beside me, I won't feel so blue. She said to try another day. My borrowed time is wasted. Oh, oh, oh. Mode langue dans Pop Dreams pour démarrer cette émission, 20h14, donc pour moi le groupe de la semaine, avec ce premier album qui s'appelle Borrowed Time, et c'était le titre éponyme qu'on vient de se mettre dans les oreilles. Là, il y a une influence très très... Les guitares, en tout cas, ils ont écouté Pete Townshend, ça c'est sûr. Jean-Yves, eh ben, c'est ton tour, donc une nouveauté. Absolument, je vais parler d'une auteure-compositrice-interprète dont j'avais perdu la trace depuis 2016. Elle avait disparu complètement des écrans radar. Je vais parler de la chanteuse, notamment de Kid Wave, qui s'appelle toujours Lea Emery. À l'issue notamment du seul album qu'elle avait sorti avec Kid Wave, Wanderlust, c'est ça. Et ben j'avais perdu sa trace. J'ai cherché en vain pendant des mois, des années, je ne trouvais pas. Et récemment, je l'ai retrouvée. Et elle a changé de nom, parce que pas complètement, elle a gardé son patronyme. Et elle se nomme maintenant Lim Koch Emery. Il faut rappeler qu'elle est d'origine suédoise et depuis cette date, elle a sorti un EP en 2019, un album en 2021 et un deuxième album en 2024. Donc très prolifique, mais je n'en avais pas eu connaissance. Et elle est considérée comme un des talents les plus prometteurs, en particulier de la scène suédoise et de la scène européenne. Elle a fait une tournée aux États-Unis, en Allemagne, elle a fait une tournée européenne et aux États-Unis. Elle a vraiment un succès incroyable. Elle a sorti deux albums, je disais. Le dernier s'intitule Borderline Iconic et le précédent Being a Girl. Ce que je vous propose, on va découvrir une plage de chacun de ces albums. Le deuxième album qui est sorti en 2024, Borderline Iconic, on va se mettre dans les oreilles un morceau qui s'intitule eBay Armor. How in the world can we go on? Yes, how in the world can we go? découverte de ces deux albums a été un véritable bonheur pour moi. J'adore la voix traînante, envoûtante de Lyle Emery. Et enfin, et ces albums sont absolument sublimes. Ça danse après, dans le studio, ça danse. Après s'être caché pendant plus de 10 ans, parce qu'on est en 2026, 2015, 2016. Donc, extrait de ce tout dernier album sorti en 2024. Yeah. Et on va écouter une plage. Il faut savoir quand même que les thèmes restent les mêmes, les thèmes d'inspiration. Hein. C'est des confidences intimes, son journal intime. Elle traite ça avec une certaine désinvolture, ironie et humour noir. Donc, ce qui est quand même pas mal. Autre titre sorti, extrait de l'album sorti en 2021 qui s'intitule l'album Being the Girl. Et le morceau, c'est Dirty Words. Deuxième titre de Kim Koch Emery, extrait de son premier album solo sorti en 2021, parce qu'elle s'est mise en congé effectivement de Kid Wave, je pense que c'est définitif, et le morceau s'intitulait Dirty Words. Donc je vous invite tous et à toutes à découvrir ces deux albums avec empressement, parce qu'ils sont sublimes. Comme d'habitude, oui. Je pense que Bandcamp peut être un bon allié pour aller écouter tout ce qu'on passe. Faire une pré-écoute, oui. Mm-hmm. Et voilà, donc 20h23, un petit peu de retard, mais c'est vrai que mon introduction était un peu longue. Mais je promets que je vais être très ascétique maintenant. Donc Jacques, c'est à toi. Bon, bah écoute, on était à Détroit tout à l'heure. Bah écoute, maintenant on va à Chicago avec le sixième album d'un groupe que j'aime beaucoup, que je les suis depuis que je les ai découverts. Bah écoute, ça fait ils ont sorti leur premier album en 2015. C'est le groupe Rat Boys, c'est le groupe de la chanteuse-guitariste Julia Steiner et Dave Sagan, qui est lui aussi guitariste. Ils composent tous les titres, ils sont ensemble depuis 2021, et il y a deux artistes en plus, qui sont maintenant des musiciens permanents, un dénommé Marcus Nucio qui est à la batterie, et un dénommé Sean Neumann à la basse. Alors cet album s'intitule Singing to an Empty Chair. Tout de suite, on va l'écouter un premier extrait, vous allez voir, c'est toujours aussi beau. C'est Open Up. Thank you. Waouh. Vous qui aimez les jolies voix féminines, je pense que vous êtes régalé. Hein, parce que... convaincu, oui. La structure du morceau est belle aussi. C'est ce qui m'a. J'avais adoré ce style de musique qui monte en crescendo et qui redescend. Alors, la chanteuse, c'est Julia Stenner. Je trouve que vraiment, c'est une des plus belles voix actuelles. Hein. Je trouve en plus qu'elle est une voix qui se marie beaucoup, très, très bien avec la musique qu'elle propose. La pop pétillante des Rat Boys. Vraiment, c'est très, très bien. Je vous en propose un autre extrait, la septième plage, la chanson c'est The World So Medley. Les Rat Boys, c'est leur dernier album, ce qui s'intitule Singing to an Empty Chair. Allez le découvrir, c'est vraiment très très mignon, très joli disque. Je constate que la gente féminine est encore à l'honneur dans Pop Dreams, et c'est tant mieux. Moi, je suis un petit peu en deçà, malheureusement, mais vous relevez le gant et c'est bien. On est là pour pallier à cela. Ouais, c'est vrai que je suis un peu, ouais. Mais bon, je vais essayer de me rattraper, mais ça va venir avec les semaines qui passent, le printemps qui revient, les choses qui bourgeonnent. 20h33 sur 895 de Radio Dio. Vous êtes sur la bonne antenne, la 1479e. Et je vais reparler d'un groupe qu'on a découvert finalement la semaine dernière. Un groupe qui est franco-italo-belge. Ouais. Je vais parler de The Outer Space, ce groupe que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui est basé à Bruxelles. On avait écouté les deux titres de leurs 45 tours sortis en fin d'année. Magnifique production de Don Mariani, faut-il le préciser. Dom Nardini, il va falloir qu'on en reparle, les gars. On a le temps, hein, le 22 avril. Voilà, on n'est que le 6 mars, le 22 avril. Retenez cette date, vous qui nous écoutez. Don Mariani sera dans nos murs. Le guitariste le plus intéressant, le plus rapide à l'ouest de Sydney. Oui, c'est vrai. Donc, Outer Space, pour en revenir à, voilà, à ce groupe, c'est un quatuor. Et dans ce groupe, il y a un certain François Huet qui a fait partie des Snipers. On en avait profité pour reparler des Snipers. Il y a une très belle compilation qui est sortie en 2023 avec toute leur production, c'est-à-dire les trois albums et différentes contributions qu'ils ont faites. D'ailleurs, entre parenthèses, Jean-Yves, ils reprennent Psychotic Reaction et ils en font une super belle version. Ouais, très très belle version. Et bien là, l'ami François, et je le remercie là officiellement à l'antenne, m'a fait la joie, le bonheur, l'avantage et l'honneur de m'envoyer le premier 45 tours qu'ils avaient fait, qu'ils avaient simplement fait eux-mêmes en répète, qu'ils ont distribué eux-mêmes. Je crois que le tirage n'est pas très très important. Donc on va écouter un titre de ce 45 tours qui est sorti il y a déjà un petit moment, puisque le groupe a démarré, il ne s'en souvenait même pas lui-même, à l'époque, en gros, juste un peu avant le Covid. Donc c'est un groupe qui a 5-6 ans. Et on va écouter le titre... Je l'ai noté, bien sûr, qui s'appelle Anita, Girl from Outer Space. Ça tombe bien. C'est du vinyle. C'est un petit 45 tours. C'est parti. On va écouter ça tout de suite. Jean-Yves me souffle, mais ça fait Flamine. Ben évidemment. Ah bah, oui, ça... Évidemment, The Outer Space, ouais, François me l'a dit, très fan de Chris Wilson, très fan des Flaming Groovies. Et donc, alors, un morceau absolument pas produit, puisqu'enregistré live en studio. Même pas en studio, dans leur salle de répète, j'imagine. Ah ouais. Donc, c'était Anita, Girl from Outer Space. Et j'avais prévu autre chose. En fait, j'avais prévu, j'expliquais hors antenne à notre ami Jacques, la petite bourde que j'ai fait la semaine dernière, vous n'êtes même pas aperçu tous les deux, tous les trois en fait. Bah, moi j'ai trouvé que ça allait vite, mais je ne me suis pas posé la question. On a passé un morceau, j'ai passé un morceau de Vanilla Blue, le nouvel album qui sort le 20 mars. Et en fait, je l'ai passé en 45 tours. C'était pas la bonne rotation. Donc, on s'en est pas aperçu. Et quand j'ai balancé le truc sur les réseaux, évidemment, les gens de Vanilla Blue m'ont dit « Ouais, t'es gentil Gérard. » Tu passes notre album, mais notre album, il passe en 33 et pas en 45 tours. Je me suis senti un peu bête et donc je voulais me racheter. Et comme quoi, quand une histoire commence mal, elle se termine mal, comme dirait Lirita Mitsuko, hein, j'ai oublié l'album. Donc, on écoutera Vanilla Blue et le morceau que j'ai passé la semaine prochaine. Donc, je vais en profiter finalement pour passer la face B de ce magnifique 45 tours qui est sorti sur Very Private Records. J'aime bien le joke, là, le petit truc. Very Private Records, bien sûr. Ils ont fait ça eux-mêmes. Voilà, c'est très bien. Le morceau s'appelle She Laughs, She Cries, She Loves, She Lies. Il faut juste que je le cale, les amis. Donc, il faut que je retourne la face, puisqu'encore une fois, on vous dit tout dans Pop Dreams. On fait ça en direct. Et quoi ? Non. C'est Jean-Yves qui... Tu disais, Jean-Yves ? Qu'il y avait... C'était produit par Don Mariani ? C'est cela ? Alors, à ma connaissance ? Non, pas ce single-là. L'album. Moi, non, l'album, il n'y a pas d'album, il n'a pas suivi. Je trouvais que... Bon, c'est vrai, ça ressemble au Flamingovis, mais je trouve que ça ressemble aussi au Barracudas. Oui, bien sûr, mais parce qu'il est très copain aussi, François, avec Robin Wills. Et en particulier, très copain aussi avec les Calamités. D'accord. Non, pour dire... Jean-Yves, il y a la confusion que j'évoque, Don Mariani. Alors, le Don Mariani, c'est le single qui vient de sortir, qui est produit. Les deux titres sont produits par Don Mariani, effectivement. Voilà. Qu'il a passé la semaine dernière. Voilà. Absolument. Je ne disais pas n'importe quoi. Il n'y a pas d'album. Je pense qu'ils ont l'envie de faire un album, mais ça sera pour un peu plus tard. Donc, j'ai eu le temps de caler She Laughs, She Cries, She Loves, She Lies. J'aime bien d'ailleurs ce titre. Rien que ça, ouais, c'est incroyable comme titre. Ouais, c'est une vie, quoi. Oui. Et donc, c'est Via Out of Space, toujours dans Pop Dreams, et on se met tout de suite ça dans les oreilles. Found. Je crois, sans me tromper, qu'on va évidemment avec grand plaisir suivre ce groupe The Outer Space. C'était donc tiré de leur premier single, c'était She Laughs, She Cries, She Loves, She Lies, une très belle balade. Et avant, on avait écouté donc Anita. Donc en gros, on a déjà 4 titres sous les semelles. On espère bien sûr que d'autres titres arriveront. On leur promet une année 2026 intéressante. Et pourquoi pas une date dans nos contrées. En tout cas, c'est ce que François souhaite et on essaiera de faire au mieux. Voilà, 20h44 sur le 895 de Radio Dio. Vous êtes bien dans Pop Dreams. N'oubliez pas que cette émission est podcastée sur le site de la radio, les www.radiodio.org, sur Mixcloud et sur archive.org, archive sans S. Jean-Yves. On va retrouver Lea Emery, donc, mais ce qu'elle avait fait précédemment au sein de Kid Wave, le fameux album que j'avais présenté il y a 10 ans, ou même 11 ans, en 2015. C'était rappel nécessaire, donc parfois c'est important de réécouter ces titres. Tu as raison. Une petite anecdote, lorsqu'elle a été interviewée par les journalistes, lorsque cet album est sorti, on lui a dit, on l'a souvent comparé à Lush, aux Breeders, à Dinosaur Jr. Pas mal. C'est quand même pas mal. Mais ce qu'elle a répondu aux journalistes qui l'interviewaient, bah, parce que Nana, elle a 30 ans et c'est sorti dans les années 90. Mais je connais ni les uns ni les autres. Elle venait essentiellement d'un milieu punk. Elle connaissait surtout Sonic Youth. Et on retrouve un peu ce son dans cet album. On va se remettre dans les oreilles tout de suite un premier titre. Et c'est l'album, le titre éponyme Wanderlust. Wanderlust, extrait du unique album de Kid Wave qui était emmené par Lea Emery. Ce qu'il faut savoir, avant qu'elle signe et qu'elle rentre en studio pour cet album, elle était à la recherche d'un emploi et ses parents lui ont mis une pression énorme. Ils lui ont dit, si tu ne rentres pas en studio et si tu ne vis pas de ta musique, tu vas aller faire un travail, tu vas rentrer dans la vie active. Et quelques jours après, elle a reçu effectivement un contrat donc, de Avery Records et elle est rentrée en studio alors qu'elle avait déjà écrit plein de textes. Comme quoi, des fois, une carrière musicale, ça tient à strictement rien. À rien. Et c'est tant mieux qu'elle n'ait pas cédé aux pressions parentales. Autre titre, La Plage 7, et le morceau s'intitule All I Want. All I Want, deuxième petit extrait de cet unique album de Kid Waves. Et comme je disais, Lea Emery a quitté ses compagnons de route pour entamer une carrière solo et elle nous donne entière satisfaction dans ce domaine. Voilà. 20h53 sur le 895 de Radio Duo. Merci Jean-Yves. Encore une voix féminine. C'est Jacques qui s'y colle et pas n'importe laquelle. Je crois qu'on est fans tous les trois là, de cette charmante chanteuse. Ces deux albums que j'ai écoutés dans la semaine, bon, j'ai envie d'en profiter. Eh ben, la première pointe, comme tu dis, une très belle voix féminine, une grande artiste américaine originaire de Salem, qui n'a malheureusement jamais eu la reconnaissance qu'elle méritait, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très grand talent, personnellement. Ouais, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, je pense qu'elle fait une carrière honorable. C'est vrai, ouais, je pense. Je ne sais pas trop. Je pense. Mais c'est vrai qu'elle avait commencé sa carrière dans les rues, et puis dans le métro de Boston, hein, c'est ça. Hein. Je veux parler de Mary Lou Lorde. On l'adore tous les trois. Jean-Yves, tu l'as, c'est toi qui l'avais présenté. L'année dernière, Gérard aussi l'avait présenté. Mm-hmm. Yes. Alors moi, écoute, j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez pressé. Et je voulais pas repasser une chose. J'ai choisi un titre d'un album qu'on a justement, on n'avait jamais présenté. C'est l'album Got No Shadows. C'était son second album, ce qui date de 98. Et la chanson que je vous propose, elle est magnifique. C'est Super Gang. Superbe voix, super chanteuse. Ouais, moi je suis fan, archi fan de Mary Lou Lorde. Ouais, elle a une voix incroyable. Incroyable, tout à fait. Mais ce soir, je trouve qu'il y a beaucoup de voix incroyables hein, chez les nanas qu'on passe. Bon, après Chicago, on va à l'autre bout. Après Salem, je veux dire, on va aller à l'autre bout du monde, à Perth. Il y a longtemps qu'on n'a pas été en Australie. Hein. Mais surtout à Perth. Dominique. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas lui qu'on va écouter. C'est un autre groupe de légende de la pop garage australienne. Un groupe que t'aimes beaucoup aussi, Gérard. Enfin, qu'on aime tous. Oh oui. The Chevelles. Alors, tu sais pourquoi il s'appelle, le groupe s'appelle comme ça ? Non, dis-nous, oncle Jacques. Ah, si, mais tu le sais, toi. Mais j'arrive. C'est une voiture américaine. Eh bien, t'as tout compris. Ah, ben, je pensais que ça vient de la Chevrolet, Chevelles, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Tu connais toutes les voitures de la planète, alors. Donc, les Chevelles, c'est un quatuor qui est fondé en 89. Non, ils connaissent surtout les voitures qui valent de l'argent. Oh, Ah, peut-être. Oui, oui. Enfin, les bons modèles pour espérer faire une plus-value. On n'est pas ennemis de nos intérêts. Allez, vas-y, Jacques. C'est un groupe qui a été fondé en 89 avec des membres de groupes qu'on connaît tous, Stem, Scriptonic, Freud, Richard Lane, Dion Smith, Jeff Lane, Guy Douglas, c'est ça, Alors, on va écouter une compo justement de Richard Lane qui fut le premier single du groupe quand il est sorti en août 90. C'est la chanson « Be My Friend ». C'est un sacré groupe, ça aussi. Hein. C'est toujours. Ouais. Ils sont normalement en activité, mais je pense qu'ils font plus, pour l'instant, plus d'albums. Je les ai ratés sur une tournée espagnole. J'aurais bien aimé les voir. T'as bien fait. C'est ce que t'écoutes en ce moment, Jacques. Ah ouais, je les écoute régulièrement. Ouais, c'est la musique qu'on aime. Hein, y a vos photos. Ah bah voilà, voilà. 21h02 sur 895 de Radio Duo dans Pop Dume. Je reprends la main. Et en général, donc, la dernière demi-heure est consacrée à des choses plus anciennes. Ça va être encore le cas ce soir. Alors moi, c'est un peu le hasard. Vous le savez, enfin vous le savez, vous ne le savez pas, mes compères le savent. Je suis lecteur de deux magazines, deux mensuels de musique anglais, Mojo et Uncut. Et dans le dernier numéro de Mojo qui vient de sortir, d'ailleurs, où il célèbre le cinquantenaire des punks, puisque effectivement, c'est arrivé en 76, et il y a... les concerts essentiels de l'année 76 des Pistols. C'est assez intéressant. Il faudra peut-être d'ailleurs qu'on y revienne dessus, pas sur les concerts des Pistols, mais sur cette vague 76 qui a été très importante. Hein. Et il y a une publicité. Je suis tombé par hasard sur une pub. Il y a de la pub sur des tournées, sur des albums. Et ça m'a beaucoup étonné. Il parle de quelqu'un que ça fait très longtemps que je n'avais pas écouté, que j'ai dans... Ça pourrait être dans la rubrique de Pop Dreams, Retour vers le futur, où j'explore ma discothèque. Et je me suis aperçu que j'avais toute la discographie du bonhomme. Il s'appelle Marc Carroll. Et là, il ressort un album qui est sorti en 2015-2016, donc il y a 10 ans. Un immense coffret avec 5 albums, 3 CD. Il y a un livret, il y a un poster, il y a plein de choses. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Je me remets très bien du Marc Carroll. En fait, il jouait dans un groupe, il a démarré dans un groupe. Il est né en 72, donc il a un peu plus de 50 ans maintenant. Et il était fan à la fois des Sex Pistols et de Buddy Holly. Donc il a commencé à 15 ans de jouer dans un groupe punk. Et ensuite, il est originaire de Dublin. Et il a créé un groupe qui a fait un unique album qui s'appelle The Hormones. Ça, j'en ai passé pas mal dans Pop Dreams dans les années 90. C'est un album qui date de 97, je crois, de mémoire. Et là-dessus, on va écouter un titre. Il est archi fan de Brian Wilson. Et il a fait un titre qui s'appelle Mr. Wilson, Brian Wilson, donc le leader des Beach Boys, où en fait, tout le texte, c'est des titres des Beach Boys. C'est assez marrant. Mr. Wilson, c'est pas rien à voir avec la chanson de John Cale qui porte le même titre. Rien à voir. D'accord. C'est Mr. Wilson, donc Brian Wilson. Donc on va écouter ça, c'est de la pop pur jus, c'est vraiment excellentissime. Et puis ensuite, on écoutera, bien sûr, il a fait une carrière solo à partir de 1999, Marc Carroll. J'adore ce mec, je trouve que c'est un immense songwriter. C'est en plus quelqu'un qui est multi-instrumentiste, qui fait tous les instruments sur ses albums solo, qui chante super bien, qui compose super bien. Donc, à l'époque où il était avec les Hormones, ça s'appelle Mr. Wilson, et on écoute ça tout de suite. Je crois que j'ai fait l'unanimité dans le studio et j'en suis fort aise. Jacques, donc toi, tu te souvenais, parce que je crois que je t'avais passé l'album, oui, c'est oui, ça tu m'avais passé l'album, et je l'avais d'ailleurs, je l'avais gardé pour moi aussi. Et Jean-Yves, tu te souvenais, j'en passais souvent. Absolument, mais j'avais totalement oublié. Et là, je suis complètement séduit, reconquis. Il y a un son et des guitares incroyables. Alors, dernier album qu'il a fait en date 2015, donc c'est pour ça qu'il célèbre les 10 ans de cet album qui s'appelle Love Is All And Love Is Not At All, mais il n'a rien fait depuis, alors je pense qu'il est toujours là, il est toujours... Donc je vais essayer de le recontacter, puisque je me suis aperçu que j'avais toujours le contact Facebook, on est entre guillemets amis, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Et donc, il a fait cet album en 96, il a fait donc cet album avec The Hormones, et à partir de 99, il va faire une carrière solo, il a fait déjà, donc il a fait 5 albums, et on va écouter un morceau qu'il joue assez souvent, parce que c'était vraiment, ça avait beaucoup marché en Irlande, puisqu'encore une fois, il est originaire de Dublin. On va écouter Crash Past Number, qui est de la même qualité, je trouve, sauf que là, il est tout seul, il produit... Il enregistre, il compose et il fait tous les instruments. C'est donc Marc Carroll avec Crash Past Number. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. C'est parti. When I was down on my luck, and I was lost in my ways, spinning out of control, losing my mind a little. Voilà, ce petit génie s'appelle Marc Carroll. Donc là, on était à l'époque du début de sa carrière solo. C'était Crash Past Number. Il faut savoir que là-dessus, il a tout fait. Il a mixé, il a enregistré, il a composé. Il joue tous les instruments. Et franchement, le coffret qu'ils ont ressorti des 10 ans de cet album sorti en 2015, ça me donne envie de l'acheter, sauf que ça coûte plus de 100 livres. Il y a 5 albums et 3 CD. 95 euros. Alors, c'est pas si énorme que ça, mais bon, c'est un investissement. Et donc, voilà, le but maintenant, c'est de le recontacter. Le Marc, je vous ai montré le petit mot qu'avait fait le label, en l'occurrence Rough Trade, à l'époque où je devais avoir le contact, puisque en gros, voilà, on vous envoie le CD que Marc nous a demandé de vous envoyer. Donc, j'avais le contact, mais on va essayer. En tout cas, je suis très content que ça vous ait plu et qu'on ait réécouté, réentendu ce petit génie, comme tu le disais justement, Jean-Yves, tu as fait un truc que je trouve très intéressant. Tu as fait une assimilation avec un équivalent américain. Phil Seymour. Ah ouais, ouais. C'est exactement le Phil Seymour. Il y a une parenté, ouais, effectivement. Mmh. Incroyable. 21h13, et là, on est tombé dans le tréfonds du temps, avec du vinyle, parce que je vois que j'ai deux vinyles qui sont calés, là. Absolument. On ne va pas découvrir des formations américaines garage. On va s'intéresser à la décade précédente, fin des années 50, début des années 60, grâce à tes compilations qui s'intitulent « The Jerk Boom ». Last Chance to Dance, sorti en 2013, consacré exclusivement à des chanteuses américaines de soul, de rhythm and blues, des années fin des années 50, début des années 60. Ouais. Et les titres sont totalement explosifs. C'est très rhythm and blues et soul. Je ne vais pas en dire plus. J'ai le volume 1, je crois qu'il y a une dizaine de volumes. On va s'écouter un premier titre interprété par une certaine Tammi Reid. Et le morceau s'intitule Needle in a... A steak. Yeah. Siri, I'll get your fanny out of bed if I have to break the damn door down. Don't you want my loving? Don't you want my loving? On écoutait dans l'ordre Tony Reid et Needle in the Haystack, et là on va se mettre dans les oreilles The Orleans, Don't You Want My Loving, extrait de la fameuse compilation Jerk Boom. Il y a 10 volumes et je crois que j'en possède 3 ou 4. Donc, et entre les deux morceaux, il y avait un petit jingle. Ah oui, un jingle d'une bande-annonce d'un film de Wes Meyer, donc le cinéaste américain. Il n'y avait pas les images. Il n'y avait pas les images. C'est les gens qui aiment les femmes à forte poitrine. N'est-ce pas, Wes Meyer? Ouais. Voilà. 21h21 sur 895 de Radio Dio. Et comme tous les vendredis dans Pop Dream, c'est bien sûr le Jaco qui termine avec. Alors là, il nous a fait un programme là, gratiné, parce que déjà, le premier groupe, Jean-Luc, tu ne vas pas en revenir. Bah, écoute, oui, deux albums des années 70. Ouais, mais enfin, le premier déjà. Le premier, c'est le groupe Backstage. Ah ben, je les ai vus deux fois en concert. Et ben voilà. Un groupe français, originaire de Toulouse. Ah bah, de la fin des années 70. Toulouse. Ils ont sorti juste deux albums. Alors là, c'était la seconde formation après un groupe qui s'appelait Bracoband, que j'avais passé le single. Avant de démarrer une carrière solo d'un musicien que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois aussi, que je suis depuis son début de sa carrière. Super guitariste, un certain René Paulroux, plus connu sous le nom de Paul Person. Bah, le René. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai choisi un titre de leur premier album, au titre éponyme, sorti en 79. Un album qu'il a enregistré sans grand moyen, mais un son très très brut, sans furiture de mixage. Un petit bijou, comme je les aime. On va écouter le titre que je vous ai choisi, c'est « Piece of Life ». I've been around. Un peu de blues. C'est pas mal, hein. Il touchait déjà, il tripotait bien la guitare. Hein. Là, je trouve que c'est vraiment un très bon guitariste. On va rester dans les années 70. Un autre groupe qui a sûrement pas dû être passé souvent sur les antennes d'une radio française. Je pense, en tout cas sur Radio Dio jamais. Ouais. Alors c'est un groupe anglais, originaire de Londres, qui s'est créé en 69. C'est le groupe Atomic Rooster. Ouais. Alors, un groupe composé d'un certain Vincent Crane, c'est le compositeur, il jouait de la basse, des claviers. John Kahn, qui est le chanteur, guitariste. Paul Hammond, rien à voir avec la famille de Hammond. John Hammond. Voilà, c'est ça. C'était le nouveau batteur à l'époque qui avait remplacé un certain Carl Palmer, ouais, qui a joué au début de sa carrière, avant d'aller jouer avec Emerson, Lake and Palmer. Ouais. Il jouait dans ce groupe Atomic Rooster. Alors musicalement, on les a considérés à une époque comme un groupe qui mélangeait un peu le hard. J'ai jamais bien trop trouvé. Un peu de jazz, non ? Ouais, plutôt le progressive rock. Ouais. Moi, je dirais plutôt ça. Alors, je possède les deux premiers albums qui sont sortis tous les ans 70. Alors, je vous propose un extrait de leur second. L'album, c'est Death Walks Behind You. Et la chanson que je vais vous passer, vous verrez, c'est pas triste, c'est I Can't Take No More. Atomic Rooster, Gérard, ça nous ramène très très loin. Hein. Ça nous ramène, c'est 70, c'est ça ? 70, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 12 ans. Donc, ouais, je commence vraiment à... Une belle pochette, en plus, tu te souviens, à l'époque ? Oui, oui, oui. Vraiment m'y intéresser. Alors, je n'ai pas connu Atomic Rooster en 70, mais un peu plus tard. Mais Vincent Crane, je me souvenais très bien de ce mec. Ouais. Et en tout cas, c'est une belle surprise, franchement. Alors, c'est ce que je te disais hors antenne, c'est quand même un groupe. Et tu sais qu'il existe toujours, hein ? Alors, il n'y a plus rien à voir avec... Il n'y a plus personne de ceux que j'ai cités. Et puis, il y a eu beaucoup de changements. Tu sais qu'à une époque, c'est ce que je te disais, ils ont eu comme chanteur, avant qu'il ait formé son groupe Colosseum, ils ont eu un certain Chris Farlow, ouais, qui Chris a chanté Farlow. Pendant deux ans. Très grand chanteur anglais. Très grand chanteur. Et puis, ils ont eu même un batteur encore de très, très grande renommée, puis c'était qui restait pas très, très longtemps, un certain Ginger Baker. Ok, 21h30 et quelques poussières sur 89.5 de Radio Duo. C'est le générique qu'on entend derrière nous, ce qui annonce la fin de Pop Dreams. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, même fréquence, le 89.5, de 20h jusqu'à 21h30. On va vous souhaiter un excellent week-end à l'écoute des programmes, et en particulier de Overdrive, qui nous suit, comme tous les vendredis, avec Martin. Et donc, bon week-end. Messieurs, merci de ces choix drastiques. De ces voix féminines extraordinaires. Ah, ils ont une place effectivement privilégiée, les femmes, ce soir. C'est vrai, quand même. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Bon week-end. Bon et week-end puis, à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Suitcase and his briefcase and say